Bouygues Télécom. Pauline de Pau rêve depuis très longtemps de posséder un super smartphone pour partager ses plus beaux moments avec ses proches. Ce serait top, mais côté porte-monnaie, Pauline se dit qu'elle doit encore économiser pour se faire plaisir. Eh bien, Pauline, bonne nouvelle! En ce moment, et seulement jusqu'au 26 octobre, c'est la vente flash Bouygues Télécom. Profitez de 70€ de remise sur tous les smartphones grâce au forfait sensation 60Go avec avantage smartphone. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition, valable pour l'achat d'un mobile de 71€ minimum, engagement 24 mois. Que faut-il faire pour avoir du style? Et si en littérature, c'était en cherchant non pas le style, mais la vérité, qu'on s'approchait le plus du grand style? Les mémoires de Saint-Simon ont été lues comme un travail d'historien auquel il tenait, mais aussi comme un monument du style littéraire. Alors qu'en est-il? La parole est à Louis Aragon. Un des plus grands prosateurs français, lequel fait liaison entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, un homme qui n'a jamais dans ses phrases un mot placé là pour faire beauté, et qui écrit bien non parce qu'il écrit comme on a écrit, mais parce qu'il écrit comme il écrit. Un homme inimitable, et si on l'imitait, on écrirait fort mal. Enfin, tout le contraire de ce qu'on appelle un classique en classe. Moi, j'ai un plaisir infini à la prose de cet homme-là. Oui, c'est Monsieur le Duc de Saint-Simon, bien sûr. Bonjour Marc Hersant. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de littérature française à la Sorbonne Nouvelle. Vous avez écrit sur Saint-Simon, mais aussi sur Voltaire, sur Sade. Est-ce que vous êtes d'accord avec Aragon? C'était une archive qui date de 1955. Pour dire que la lecture de Saint-Simon vous procure un plaisir infini. C'est peu de le dire, je crois, non? Un plaisir infini, oui, et depuis fort longtemps, puisque j'ai l'impression de baigner dans Saint-Simon depuis des dizaines d'années, hein, depuis notamment une époque où j'étais étudiant en Cagne et où nos professeurs de lettres nous avaient fait découvrir sur photocopie le portrait de monsieur, hein, le frère du roi, qui m'avait provoqué une sorte d'électrochoc. C'est vrai? Dans sa lecture. C'est l'origine d'une longue vocation saint-simonienne qui a mis du temps à se mettre en route. J'étais complètement fasciné par ce portrait et quand elle nous a regardé, puis elle dit « Qui veut faire l'explication de texte pour la semaine prochaine ?» J'ai tendu la main, j'ai dit « Moi !» Et puis ensuite, j'ai mariné dans ce texte qu'ensuite, hein, beaucoup plus tard, quand j'ai écrit ma thèse, j'ai commenté pendant de longues pages pour essayer de mettre le doigt, enfin de préciser ce qui avait engendré un tel choc au départ. Hein, bon. Et donc effectivement, Saint-Simon est un des écrivains français qui donne à son lecteur le plus de plaisir, qui l'inonde de plaisir littéralement. Pas toujours, bien sûr, on va y revenir, quand le lecteur tombe sur 30 pages de généalogie aride, il peut, le lecteur d'aujourd'hui en tout cas, il peut être pas tout à fait inondé de plaisir. Ça dépend des goûts. Bien sûr, ça dépend des goûts. Mais disons qu'il y a d'innombrables pages, hein, éparses dans les mémoires qui, effectivement, sont parmi les plus jubilatoires de ce qu'on appelle, je mets pas mal de guillemets autour de cette expression, la littérature française. Parce que je retiens une autre chose de ce que dit Aragon. Il veut pas faire beau, Saint-Simon. Hein. C'est tout à fait juste si on se réfère à ce que Saint-Simon lui-même dit de son œuvre. Moi, j'ai remarqué, notamment dans tout ce que j'ai écrit sur Saint-Simon, que dans les mémoires, Saint-Simon recense d'innombrables faits qui se sont produits à son époque, mais que les faits qui pour nous appartiennent à la vie littéraire, culturelle, théâtrale de son époque ne font pas partie de son sujet. Il ne mentionne pas la parution, par exemple, des lettres persanes de Montesquieu en 1721, alors qu'il était proche de Montesquieu, qu'il le connaissait personnellement. Il ne mentionne aucune des publications de grands romans dans les années 1730. Enfin bon, il a pas vraiment de raison, puisque sa chronique va jusqu'à 23, mais il évoque pas non plus les grands succès du théâtre, par exemple. Donc la culture n'est pas son affaire. De la Régence. Donc visiblement, ce que nous appelons littérature, c'est pas son sujet. Hein, donc en termes de sujet de l'œuvre, c'est pas ça dont il est question. Mais quand de temps en temps il évoque des faits littéraires ou théâtraux de son époque, c'est toujours pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la littérature, le théâtre ou l'art pour eux-mêmes. Hein. Par exemple, quand il parle de Racine, c'est parce que Racine a commis une gaffe, enfin aurait commis une gaffe. Hein. En réalité, il l'a pas commise en présence du roi et de Madame de Maintenon, en parlant de l'ex-mari de Madame de Maintenon, Scarron, hein, et évidemment le Racine en parlant de Scarron devant le couple royal. entre guillemets, suscite un extraordinaire malaise qui est censé être à l'origine de sa disgrâce. Il parle pas de Racine pour parler théâtre. Il parle de Racine pour donner un exemple de gaffe de courtisan entraînant sa chute. Hein. Il parle aussi de Racine, par exemple, pour évoquer le rôle que Racine a joué dans un procès de préséance, hein, dans la jeunesse de Saint-Simon, où le maréchal-duc de Luxembourg prétendait précéder, je ne sais plus trop combien, mais 12, 13, 14 ducs hein, dans la hiérarchie ducale. Et Racine a prêté sa plume au duc de Luxembourg pour servir sa cause. Et Saint-Simon, fou furieux contre Racine, en parle avec beaucoup de mépris hein, dans ses parties des mémoires, mais pas du tout comme auteur de théâtre. Quand il parle de Molière, alors, mais Molière est mort longtemps avant la période que raconte Saint-Simon dans ses mémoires, c'est souvent pour raconter des ragots sur le fait qu'on a considéré que tel ou tel personnage de Molière avait pour original une personne réelle. Par exemple, pour le misanthrope Montausier, le gouverneur du Dauphin. Voilà. Mais il parle pas de littérature pour parler de littérature. Et quand il parle de son œuvre propre, aucun des termes qu'il utilise ne donne à son œuvre hein, le caractère de ce que nous appelons aujourd'hui une œuvre littéraire, en particulier la dimension esthétique du texte, hein, n'est jamais mise en avant par lui. Et c'est pourtant ce qui a été mis en avant par les lecteurs de la postérité. Alors il y a ceux qui ont vu un travail d'historien. Il y a ceux qui ont vu un travail littéraire, malgré tout, quand même, les écrivains romantiques qui ont beaucoup lu Saint-Simon, qui s'en sont beaucoup inspirés, et ceux qui, au contraire, parlent du style, et uniquement du style, les frères Goncourt auraient dit, il n'y a que trois styles, la Bible, les latins, et Saint-Simon. Je pense au personnage d'Henri Brulard, le double de Stendhal, qui dit, les épinards et Saint-Simon ont été mes seuls goûts durables. Voilà. Certaines personnes, certains lecteurs, certains écrivains ne louent que le style chez Saint-Simon. Alors, qu'en est-il? Je pense, de ce point de vue-là, c'est intéressant de prendre les choses dans une sorte de chronologie. Hein, de ce qui s'est passé. D'abord, on a un texte. Hein, et ce texte, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y revenir, il ne se présente pas comme écrit dans un style homogène. Les mémoires, hein, bien entendu. Donc je rappelle que c'est un texte qui a été écrit par Saint-Simon tardivement, en tout cas dans la version qui nous est parvenue, entre 1739 ou 1740 et 1750. Il est mort en 55, hein, et donc c'est une œuvre de la vieillesse, y compris si on a des traces de première version des mémoires dès les années 1790. Hein. Donc là, on est beaucoup plus tôt, 40 voire 45 ans avant, hein, dans la jeunesse du mémorialiste. Et ce qui frappe quand on regarde les mémoires envisagées comme texte, un texte océanique, un texte de plusieurs milliers de pages, c'est qu'il n'y a pas un style de Saint-Simon. C'est une idée que j'ai beaucoup développée dans mon propre travail, mais des styles qui sont extrêmement différents selon les sujets qu'il aborde, selon l'humeur, hein, selon l'inspiration aussi. Je pourrais éventuellement détailler ultérieurement. Bon, on va entendre les extraits de toute façon, donc vous les montrez. Mais ce que lui tient comme discours sur son œuvre, je pense qu'on va entendre l'extrait, hein, c'est qu'il ne s'est pas préoccupé de style et que ce n'est pas son affaire. On écoute le texte. Ça me paraît le moment. Dirais-je un mot du style, de sa négligence, de répétitions trop prochaines des mêmes mots, quelquefois de synonymes trop multipliés, surtout de l'obscurité qui naît souvent de la longueur des phrases, peut-être de quelques répétitions. J'ai senti ces défauts. Je n'ai pu les éviter. Emporté toujours par la matière et peu attentif à la manière de la rendre, sinon pour la bien expliquer. Je ne fus jamais un sujet académique. Je n'ai pu me défaire d'écrire rapidement. De rendre mon style plus correct et plus agréable en le corrigeant, ce serait refondre tout l'ouvrage, et ce travail passerait mes forces. Il courrait risque d'être ingrat. Pour bien corriger ce qu'on a écrit, il faut savoir bien écrire. On verra aisément ici que je n'ai pas dû m'en piquer. Je n'ai songé qu'à l'exactitude et à la vérité. J'ose dire que l'une et l'autre se trouvent étroitement dans mes mémoires, qu'ils en sont la loi et l'âme, et que le style mérite en leur faveur une bénigne indulgence. Il en a d'autant plus besoin que je ne puis le promettre meilleur pour la suite que je me propose. Le paradoxe qu'on découvre en écoutant ce texte, Marc Hersant, lu par Daniel Mesguich, c'est que pour quelqu'un qui dit ne pas faire grand cas du style parce qu'il a été pressé d'écrire ce texte, je n'ai pu me défaire d'écrire rapidement, Eh bien, il s'en soucie quand même un petit peu, puisqu'il écrit ce texte pour justifier son absence de style. Bon, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce texte que l'on vient d'écouter, c'est la fin des mémoires de Saint-Simon, c'est-à-dire que dans l'édition d'Yves Coirot, c'est à la 7260e page, hein, dans le paragraphe ultime des mémoires, qui a cette espèce de... comme de gêne de Saint-Simon qui semble avoir laissé de côté un sujet, hein, et puis en parler in extremis, hein, au dernier moment. Donc, dire un mot du style de Saint-Négligence. Ah, sur ce sujet, je crois qu'il y a pas mal de choses à dire. La première, que je vais pas trop longuement développer, c'est que ce que dit Saint-Simon n'est pas foncièrement original, hein, et que le discours qu'il tient sur l'absence de préoccupation stylistique de sa part, sur la négligence de son style, hein, c'est un terme qu'il utilise, c'est un élément qui traîne un petit peu partout chez les mémorialistes d'Ancien Régime, en particulier quand ils appartiennent à la bonne, voire la haute aristocratie, à partir d'une idée très simple, c'est que travailler est indigne de la personne noble, et que l'écriture, si elle est envisagée comme un travail, est indigne, hein, de l'aristocratie, digne de ce nom. Donc il y a donc une espèce de ton un peu cassant vis-à-vis d'écrivains de métier, hein, bon, implicitement, qui seraient au détacheron, qui travailleraient à produire des textes. L'idée, c'est que le texte de Saint-Simon n'est pas le résultat d'un artisanat, d'un travail au sens roturier du terme, et que la langue jaillit directement dans une sorte de liberté, hein, bon, qui est précisément lié dans son esprit à son essence aristocratique. Hein, bon. Donc ça, c'est un fond de discours qui traîne un petit peu tout au long de l'Ancien Régime, dès en réalité qu'un membre de la grande aristocratie, c'est le cas de Saint-Simon qui appartient à la crème de la crème, hein, faut le rappeler, de l'aristocratie d'Ancien Régime, il est duc et pair de France, hein, c'est un leitmotiv qu'on trouve un petit peu partout. Oui, il y tient beaucoup. Ouais, à ses titres. Hein, il y tient énormément, hein, et la dignité attachée à ce titre et évidemment à un certain nombre de choses qu'il convient de faire et de ne pas faire lorsqu'on est fidèle à cette dignité, lorsqu'on est digne de cette dignité, si je puis dire, hein, c'est évidemment essentiel à ses yeux. Alors, ça va avec un autre topos, si vous voulez, d'Ancien Régime, qui est tout à fait représenté dans ce texte, c'est que si le style est négligeable et méprisable, on trouve ça chez Ray, par exemple, le cardinal de Ray, hein, on trouve ça chez Montluc, hein, le grand mémorialiste des guerres civiles, hein, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, si le style est méprisable, une chose, hein, est valorisée symétriquement, c'est la vérité, puisque la vérité, en revanche, hein, apparaît comme étant quelque chose qui serait, en quelque sorte, l'essence de l'aristocratie. Hein. L'aristocratie digne de ce nom étant vraie parce qu'elle est fidèle à sa propre grandeur. Hein, et la vérité devrait sortir, en quelque sorte, de la bouche des nobles, comme les bijoux, hein, de la bouche de la petite fille du comte de Perrault, les fées, parce que la vérité, c'est l'essence, hein, de l'aristocratie. Donc, un aristocrate qui n'est pas dans la vérité, pour Saint-Simon, c'est un aristocrate qui a trahi ses origines, hein, et sa naissance. Donc cette obsession de la vérité, c'est aussi quelque chose qui est à la fois un topos, puisqu'on trouve ça un peu partout, hein, chez les mémorialistes d'Ancien Régime et chez les écrivains de l'Ancien Régime qui appartiennent à la grande aristocratie, mais il faut quand même pas oublier que chez Saint-Simon, ça prend une dimension particulièrement obsessionnelle, hein, incantatoire, répétitive, et j'ai souvent comparé de ce point de vue-là Saint-Simon à Rousseau, ce sont les deux grands orchestrateur d'un discours de vérité véhément, pathétique, incantatoire, grandiose, obsessionnel. Bon, si on se souvient de la première page des Confessions de Rousseau, on voit en quoi ils se rejoignent, hein, dans cette espèce de discours de vérité extrêmement tendu, hein, extrêmement crispé, qui a quelque chose de magnifique, mais d'un peu fou aussi. Hein, ouais. Bon, j'irai jusqu'à dire ça. Alors, ensuite, quand on lit ce que dit Saint-Simon, on peut être tenté de mettre ça uniquement sur le compte d'une topique, mais on peut aussi se demander si ce qu'il dit a une part de vérité. Oui, c'est la question à poser en effet, puisque voilà. S'il veut être dans la vérité, l'est-il vraiment, ou voilà. Est-ce que c'est une posture? Or, de fait, il y a eu d'une part, il y a deux éléments qui peuvent aller dans le sens d'une certaine crédibilité à accorder à Saint-Simon sur son propre discours. D'abord, il y a eu une thèse de Juliette Nolès qui porte essentiellement sur ce qu'elle appelle la rhétorique de Saint-Simon, où elle a, de manière systématique, observé tout ce que décrit Saint-Simon au niveau de sa syntaxe, de son vocabulaire, etc., pour montrer qu'effectivement, tout ça se retrouvait dans l'œuvre. Effectivement, il y a des phrases mal fichues, effectivement, il y a des monstres syntaxiques qui s'étalent sur des dizaines de lignes et dont la syntaxe se perd complètement, effectivement, il y a des impropriétés, effectivement, il y a des moments où il écrit trop vite. Hein, il se vante de la vitesse de son écriture pour soigner son style. Hein, il refuse d'être un orfèvre du style, c'est parfaitement évident. Hein, c'est pas son truc. Voilà. Et puis, encore plus intéressant, à mon avis, alors Saint-Simon, l'histoire de la diffusion de l'œuvre de Saint-Simon, c'est une longue affaire, hein, puisque il termine grosso modo l'écriture des mémoires en 1750. Il meurt en 1755, mais la première édition digne de ce nom des mémoires de Saint-Simon, c'est 1830. Hein, et donc, c'est l'édition que va lire Stendhal entre le moment où il écrit Le Rouge et le Noir et le moment où il écrit La Chartreuse de Parme. Il connaissait déjà Saint-Simon par des extraits beaucoup plus jeunes. Hein, bon, c'est une obsession de Stendhal. Hein, Saint-Simon, vous avez cité vous-même la phrase tout à l'heure d'un Stendhal disant qu'il avait aimé toute sa vie Saint-Simon et les épinards, comme si Saint-Simon c'était une matière vitale. C'est ça, mais il dit aussi des sentiments qu'il a l'esprit étroit, me semble-t-il. Oui, on y reviendra. Ok, on le garde pour tout à l'heure. Ouais, on gardera ça pour tout à l'heure. Alors, en attendant, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a malgré tout, dans la deuxième moitié du XVIIIe, donc après la mort de Saint-Simon, un certain nombre de personnes qui, pour des raisons diverses, mais essentiellement parce que le manuscrit des mémoires de Saint-Simon était entreposé aux affaires étrangères et que ces personnes avaient des liens personnels avec le ministre des Affaires étrangères, qui ont eu en leur possession des copies plus ou moins complètes, enfin, plutôt des extraits des mémoires de Saint-Simon. Et on a notamment des témoignages de femmes très intelligentes, hein, Madame du Créqui, et puis surtout Madame du Deffand, hein, une des figures les plus emblématiques du XVIIIe siècle français, une grande amie de Voltaire, une femme d'une intelligence tout à fait exceptionnelle, qui écrit une succession de lettres à Horace Walpole, qui est l'auteur du premier grand roman gothique, le premier grand roman d'épouvante, hein, le Château d'Otrante, pour lui faire une espèce de journal de sa lecture de Saint-Simon. Et elle est claire et nette, à ses yeux, il écrit absolument comme un pied. Hein, et elle parle d'un style abominable. C'est un mot qui lui appartient. Et le seul intérêt qu'elle trouve à son texte, c'est qu'il lui permet d'être de plongée de plein pied dans l'époque de Louis XIV et de la Régence. Et au fond, ce qu'elle explique, c'est qu'elle doit faire avec ce style insupportable pour découvrir toutes sortes d'anecdotes, de petits faits qui lui permettent de, en quelque sorte, recréer ce passé. Donc, c'est pas du tout le style qu'elle vante. Et l'autre lectrice dont j'ai parlé tient exactement le même discours. Madame du Deffand, c'est intéressant, est très proche de Voltaire. Mmh. Et Voltaire a une conception obsessionnellement classique de la langue et de la perfection de la langue française. Et par conséquent, ces gens-là ne peuvent être que heurtés, hein, par la prose de Saint-Simon, qui est une prose en fusion, on va dire, qu'elle fait exploser à bien des égards, hein, les limites et les gangs, si on veut, hein, de la langue classique, telle que Voltaire la pense encore, en tout cas, dans sa jeunesse. Je sais pas si c'est lieu de disserter sur ce sujet, mais on n'a jamais vraiment réussi à savoir si Voltaire avait lu Saint-Simon. La seule trace qu'on ait d'une éventuelle lecture de Saint-Simon par Voltaire, parce que c'est quand même les deux hommes qui ont le plus écrit sur Louis XIV au XVIIIe siècle, hein, Saint-Simon les mémoires et Voltaire le siècle de Louis XIV, c'est que Condorcet raconte dans une biographie de Voltaire qu'il a publiée après sa mort, que Voltaire, juste avant de mourir, avait pris connaissance du manuscrit des mémoires et avait prévu d'écrire un livre pour les réfuter. Mmh. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord, Marc Hersant, avant de continuer à développer votre propos sur le style de Saint-Simon, qu'on écoute un portrait pour donner de la chair à nos auditeurs qui n'auraient jamais mis le nez dans les mémoires de Saint-Simon? C'était mon cas jusqu'à il y a très peu de temps, justement, donc je suis d'autant plus heureuse d'en parler et je voudrais donner envie de le lire. Donc on va entendre un portrait du duc de Noailles. Est-ce que vous voulez dire quelques mots avant qu'on écoute le portrait, ou alors, on l'écoute et vous commentez? Le duc de Noailles, c'est un personnage qui a intéressé François Ravier, qui est déjà intervenu dans cette série d'émissions, puisque la thèse de François Ravier, elle porte sur la présence du motif démoniaque, hein, dans les mémoires. Et le duc de Noailles est un homme qui, au départ, était assez proche de Saint-Simon, un ami, on va dire, politique de Saint-Simon, au moment des préparatifs de la régence du duc d'Orléans. Et puis Saint-Simon, pour des raisons qui seraient très longues à raconter, s'est senti trahi par lui et a développé une haine paroxystique qui débouche sur le texte qu'on va entendre. Le serpent qui tenta Ève, qui renversa Adam par elle et qui perdit le genre humain, est l'original dont le duc de Noailles est la copie la plus exacte, la plus fidèle, la plus parfaite. Autant qu'un homme peut approcher des qualités d'un esprit de ce premier ordre et du chef de tous les anges précipités du ciel. La plus vaste et la plus insatiable ambition. L'orgueil le plus suprême. L'opinion de soi la plus confiante. Et le mépris de tout ce qui n'est point soi le plus complet. La soif des richesses, la parade de tout savoir, la passion d'entrer dans tout, surtout de tout gouverner. L'envie la plus générale, en même temps la plus attachée aux objets particuliers, et la plus brûlante, la plus poignante. La rapine hardie jusqu'à effrayer de faire sien tout le bon, l'utile, l'illustrant d'autrui. La jalousie générale, particulière et s'étendant à tout. La passion de dominer tout, la plus ardente. Une vie ténébreuse, enfermée, ennemie de la lumière, tout occupé de projets et de recherches de moyens d'arriver à ses fins, tous bons pour exécrables, pour horribles qu'ils puissent être, pourvu qu'ils le fassent arriver à ce qu'ils se proposent. Une profondeur sans fond, c'est le dedans de Monsieur de Noailles. Infiniment d'esprit et toutes sortes de ressources dans l'esprit, mais toutes pour le mal, pour ses désirs, pour les plus profondes horreurs et les noirceurs les plus longuement excogitées et pourpensées de toutes ses réflexions pour leur succès. Voilà le démon, voici l'homme. France Culture, Les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. Le moins qu'on puisse dire, Marc Hersan, c'est que pour quelqu'un qui tient le style pour secondaire, on vient d'entendre quand même un morceau de bravoure. S'il fallait une figure de style, puisque c'est le sujet quand même de cette émission pour qualifier ce texte-là, une figure de style à travers laquelle on pourrait lire tout ce portrait, ce serait sans doute l'hyperbole, non ? Oui, le texte se situe dans une exagération telle que je me demande même si la figure de style de l'hyperbole peut en rendre compte. Il faudrait au-dessus encore. On est dans quelque chose qui est à la limite de l'exaltation géniale et puis d'une espèce de folie furieuse. Et puis on est aussi dans quelque chose qui est à la limite entre une langue maîtrisée et une espèce d'équivalent écrit du cri d'un homme en colère qui ne peut pas s'arrêter de vomir des imprécations. Ça se voit d'ailleurs dans une espèce d'avalanche syntaxique qui fait que si on regarde le texte de près, il y a des phrases certes, mais à la limite d'une construction syntaxique véritablement digne de ce nom. Alors évidemment, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ce Saint-Simon-là, c'est pas exactement celui des passages généalogiques ou des descriptions de cérémonies qui sont parfois faites dans un style protocolaire extrêmement plat et terne. Je dis pas ça pour dégoûter les lecteurs de Saint-Simon, au contraire, mais je dis ça pour faire prendre conscience de l'étonnante hétérogénéité de l'œuvre, où l'on peut trouver des pages aussi sensationnelles, ouais, aussi impressionnantes, aussi fulgurantes que celles-ci, et puis des choses qui nous paraissent complètement étrangères, jusqu'à l'idée que nous faisons de la littérature ou de ce qu'une œuvre littéraire est censée être, ce qui moi m'intéresse au plus haut point, et ne retire absolument rien à cette œuvre, mais nous rappelle que dans le discours conscient qu'il tient sur elle, Saint-Simon ne cesse de dire que cette œuvre n'est pas une œuvre littéraire, mais une œuvre d'histoire, avec pour but le récit d'une partie de l'histoire de France, d'une partie de l'histoire de la cour, de l'Europe aussi, puisque le sujet en réalité des mémoires est extrêmement flottant. Parfois on a l'impression qu'il se concentre sur le petit monde de la cour, et puis parfois il élargit le spectre de ses intérêts, mais c'est pas très très fixe tout ça, et on a l'impression d'un ballottement permanent au niveau de ce qui donne son unité à l'œuvre, qui n'en a pas vraiment d'ailleurs réalité. Ça m'amène peut-être alors à continuer dans mon investigation chronologique de la récupération par le 19e siècle et par les époques ultérieures de Saint-Simon, parce qu'il est évident que c'est en tombant sur un texte comme celui-là, qu'il va y avoir une sorte de vent de folie en France, et surtout en France d'ailleurs, parce que Saint-Simon est un auteur difficile, qui est peu traduit et peu lu à l'étranger. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, il n'existe aucune traduction intégrale des mémoires dans aucune langue, et que l'anthologie la plus vaste, dans une traduction anglaise, c'est à peu près 40% du texte original de Saint-Simon. C'est ce qu'on a de plus long dans une langue étrangère de Saint-Simon. Toujours est-il que, alors que les lectrices de la fin du XVIIIe siècle jugeaient Saint-Simon mauvais goût, jugeaient qu'il écrivait mal, que sa langue n'était pas classique. Je précise d'ailleurs que quand tout à l'heure, dans le texte on a lu en premier, Saint-Simon dit qu'il écrit mal, il veut pas dire par là qu'il a pas de style au sens littéraire du terme, d'originalité stylistique, il veut dire qu'il fait des incorrections de langue, il se situe pas dans une mythologie du style d'auteur, c'est pas du tout ça qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il a bâclé. Ça c'est très important quand même. Il dit travail. Qu'il doit écrire très vite. D'écriture, parce qu'il a écrit très vite. Écrit de manière clandestine surtout, il doit se cacher, donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand même dans le style qui s'en ressent. Et exactement, il a eu la paresse de se relire, nous dit-il. Il faut pas oublier que le texte est tellement immense que cette paresse peut se comprendre. Il met l'accent lui-même effectivement constamment sur la vitesse avec laquelle il écrit. Évidemment, on peut pas prendre une machine à remonter le temps pour aller voir avec quelle vitesse sa plume déroulait sur le papier. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui, au rarissime lecteur du XVIIIe siècle, apparaît comme une faiblesse, va d'un seul coup, à l'époque romantique, et tout au long du XIXe siècle, et au moins jusqu'à l'époque de Proust, et puis d'Aragon qu'on a écouté tout à l'heure, apparaître comme une force, c'est-à-dire que Saint-Simon va apparaître comme celui qui fait littéralement exploser, comme j'ai dit tout à l'heure, les limites de la langue classique. Et de ce point de vue-là, il va jouer un rôle dans l'imaginaire de la littérature pour le XIXe siècle et le XXe siècle commençant, qui n'est pas si éloigné de celui d'un Shakespeare, par exemple, dans la représentation de ce qui n'est pas classique dans la littérature. Saint-Simon va devenir un étalon d'une littérature libérée, libérée dans sa forme et dans son style, de ce qui faisait l'essence du classicisme. Alors même qu'il écrit un texte essentiellement dans la première moitié du XVIIIe siècle, à un moment où la littérature est encore très largement informée par des éléments de classicisme. Je suis un styliste, j'ai cette faiblesse, et je crois que c'est une faiblesse peu répandue. Mais il faut dire que c'est ce qui est le plus difficile, le style, n'est-ce pas ? Envoyer des messages ou des pensées profondes, je n'ai qu'à ouvrir un ouvrage spécialisé, j'en ai plein, n'est-ce pas ? Non. Donc, je suis un coloriste, n'est-ce pas, de certains faits. Alors, je me suis trouvé devant des circonstances où, par hasard, la matière à décrire était intéressante. Proust s'occupait des gens du monde. Je me suis occupé des gens qui naient à ma vue et à mon observation. Et alors, j'ai décrit leurs petites histoires, avec un style qui, paraît-il, est le mien. Saint-Simon a libéré le style, disiez-vous, Marc Hersant. Vous avez peut-être reconnu la voix de Louis-Ferdinand Céline, qui date de 1957. Oui. Céline, qui disait de Saint-Simon qu'il était emmerdant à cause de ses nobles, mais qui s'extasiait sur son style de premier ordre. Oui, et il y a plusieurs déclarations de Céline, il y a des déclarations de Genet, enfin, il y a beaucoup d'écrivains du XXe siècle qui ont salué le génie de Saint-Simon, et qui se situe toujours, de mon point de vue, dans la perspective ouverte par l'époque romantique. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que d'un seul coup, ce qui apparaissait comme infraction par rapport à une norme va apparaître comme signe d'une liberté, et d'une liberté stylistique spectaculaire que cet écrivain posséderait avant la Révolution française à un degré qu'aucun autre ne pourrait atteindre. Bon, donc il y a au XIXe siècle une nouvelle lecture de Saint-Simon qui se fait progressivement, et je pense qu'effectivement cette lecture de Saint-Simon, elle s'est faite dans une espèce de tension, dans une espèce de petite guerre même, entre la lecture de Saint-Simon par les historiens et la lecture de Saint-Simon par les écrivains, et notamment les écrivains les plus emblématiques du XIXe siècle, C'est-à-dire que progressivement, la prétention de Saint-Simon à apparaître comme un historien va être rejetée par les historiens, entre guillemets, dignes de ce nom, notamment ceux qui représentent l'ère du positivisme, hein, en train de se construire. Il y a un ouvrage monumental d'Adolphe Chéruel qui est une réfutation cinglante, hein, des mémoires de Saint-Simon par un historien du 19e siècle, alors même qu'Adolphe Chéruel a fait une des éditions les plus importantes de Saint-Simon, hein, au milieu du 19e siècle, préfacé par Sainte-Beuve, qui tente de défendre Saint-Simon en littéraire et en soulignant le caractère extraordinaire et totalement libre de son style, au point qu'on en arrive à la phrase des Goncourt que vous avez citée tout à l'heure, que je voudrais commenter un petit peu. Rappelez-la. Parce que les Latins... Il n'y a que trois styles. La Bible, les Latins et Saint-Simon. Voilà, parce que quand on dit la Bible, les Latins et Saint-Simon, du coup, quelle idée il y a à propos de Saint-Simon dans ce trio? C'est que Saint-Simon, ce serait l'incarnation de la modernité littéraire. Hein, c'est-à-dire qu'à lui tout seul, il pourrait en quelque sorte concentrer ce qui fait un style moderne. Et je vais dire, dans un sens un petit peu étendu du terme, un style romantique. Hein, bon, puisque c'est bien de ça qu'il est question. Du coup, au XIXe siècle, il y a une sorte de mythe, hein, d'un style fulgurant, d'un style inouï de Saint-Simon, qu'on retrouve un petit peu chez tout le monde, hein, qui va traverser le siècle. Alors je dirais, d'un des premiers grands lecteurs de Saint-Simon au XIXe siècle, qui est Stendhal, au plus grand sans doute de tous les lecteurs de Saint-Simon dans l'histoire de la littérature française, qui est Proust, hein, le dialogue entre Proust et Saint-Simon, enfin la lecture de Saint-Simon par Proust étant sans doute un des faits majeurs de la jeunesse, de la recherche et de la culture de Proust de manière générale. Alors, vous avez cité tout à l'heure à propos de Stendhal, hein, c'est dans son journal qu'il accuse Saint-Simon, enfin qu'il accuse et qu'il loue Saint-Simon à la fois, d'avoir une tête étroite et un style profond. J'avoue que je me suis cassé la tête bien des fois pour essayer de comprendre comment une tête pouvait être étroite et un style profond et quelle était la profondeur de ce style produit par une tête étroite, et que tout ça paraît un tout petit peu étrange, mais en même temps c'est une idée qu'on va retrouver presque tout au long de la lecture de Saint-Simon par les hommes du 19e et du 20e siècle. Et il y a un texte de Monterland sur Saint-Simon où il le présente comme un des plus grands écrivains français, tout en l'accusant d'être d'une parfaite idiotie, et il dit noir sur blanc qu'il n'a pas eu une idée de sa vie. Ce qui, soit dit en passant, est parfaitement injuste, parce que Saint-Simon a des idées finalement relativement intéressantes sur le plan politique. C'est presque plus cruel ce que vous dites. Il a des idées relativement intéressantes. Non, non. Il a quand même été jugé digne par Montesquieu d'avoir de longs entretiens avec lui. Montesquieu est allé le voir sur ses terres, a été reçu par Saint-Simon. Montesquieu parle de Saint-Simon dans des notes qu'on a conservées. Il a scrupuleusement noté des anecdotes que... Et il y a quelques points de convergence, hein, dans la critique de l'absolutisme entre Montesquieu et Saint-Simon, qui fait que Montesquieu n'a pas considéré Saint-Simon comme un idiot d'un point de vue politique, et que la critique récente a eu tendance à réhabiliter dans une certaine mesure, hein, la pensée politique de Saint-Simon, à partir évidemment de ses préoccupations de duc et père, hein. Bon, c'est-à-dire qu'il s'agit évidemment pas de lui prêter la pensée d'un Jean-Jacques Rousseau, hein, ça paraît absolument impensable. Donc, tout au long du 19e siècle, le style de Saint-Simon est vanté d'abord dans sa singularité et dans son unité, hein. On est quand même dans le siècle qui promeut l'idée qu'il y a un style pour un auteur, une espèce de propriété intellectuelle absolue, hein, quelque chose qui colle à un auteur, qui fait que quand on lit une phrase de Stendhal, quelque fois dans un roman, dans un essai ou dans son journal, on va retrouver quelque chose, un dénominateur commun qui fait Stendhal, hein, le grand théoricien de ça. Par la suite, ça va être Spitzer, hein, qui va voir dans chaque fragment écrit par un écrivain l'âme de l'écrivain en quelque sorte concentrée dans sa langue, dans sa syntaxe, etc. Et tout ça, eh bien, Saint-Simon va en devenir un exemple archétypal. Hein, ça, il va devenir l'auteur par excellence qui a un style, alors que, de mon point de vue, je vais en arriver à Proust après, c'est au contraire l'exemple par excellence d'un auteur qui a des styles si extraordinairement différents que parfois on a l'impression de lire des auteurs différents en passant d'une partie des mémoires à une autre. La princesse d'Harcourt fut une sorte de personnage qu'il est bon de faire connaître, pour faire connaître plus particulièrement une cour qui ne laissait pas d'en recevoir de pareilles. Elle avait été fort belle et galante. Quoiqu'elle ne fût pas vieille, les grâces et la beauté s'étaient tournées en gratte-cul. C'était alors une grande et grosse créature, fort allante, couleur de soupe au lait, avec de grosses et vilaines lippes et des cheveux de filasse toujours sortant et traînant comme tout son habillement. Sale, malpropre, toujours intrigant, prétendant, entreprenant, toujours querellant et toujours basse comme l'herbe ou sur l'arc-en-ciel, selon ceux à qui elle avait affaire. C'était une furie blonde et de plus une harpie. Elle en avait l'effronterie, la méchanceté, la fourbe et la violence. Elle en avait l'avarice et l'avidité. Elle en avait encore la gourmandise et la promptitude à s'en soulager, et mettait au désespoir ceux chez qui elle allait dîner, parce qu'elle ne se faisait faute de ses commodités au sortir de table, qu'assez souvent elle n'avait pas loisir de gagner, et salissait le chemin d'une effroyable traînée qui l'ont maintes fois fait donner au diable par les gens de Madame Dumaine et de Monsieur Legrand. Elle ne s'en embarrassait pas le moins du monde, troussait ses jupes et allait son chemin, puis revenait disant qu'elle s'était trouvée mal. On y était accoutumé. Bon, si on veut commenter ce texte, on peut le dire de manière triviale en disant eh bien omniprésence du registre scatologique, puisque cette femme aime manger et donc en subit les conséquences, et ça ne la gêne pas quand elle va dîner chez les gens de salir le chemin d'une effroyable traînée en sortant des toilettes. Ou on peut dire, Marc Hersant, qu'il s'agit d'un style, disons, comique rablaisien, si on veut employer des références littéraires plus nobles. Oui, et d'ailleurs ça amène à parler d'un autre aspect de l'hétérogénéité du style de Saint Simon, c'est que je pense, sans exagérer, que c'est l'écrivain français qui a la plus vaste palette de styles de toute la littérature française. Il est capable d'aller d'un style dont vous dites vous-même qu'il est quasi rablaisien, à, dans des passages extrêmement émouvants, hein, où il éclate de douleur au moment de la mort du duc de Bourgogne, des moments où il rejoint le style de Cher, de Bossuet, hein, des grands moments d'éloquence dramatique, quasi religieuse, avec une sorte de puissance incantatoire, de grandeur. Bon. Et puis tout ce qui est intermédiaire entre le style de Rabelais et le style de Bossuet peut se retrouver, hein, à l'intérieur des mémoires de Saint-Simon, ce qui fait que on a aussi dans cette œuvre une palette de registres, hein, qui est tout à fait impressionnante, hein, du comique le plus gras au sérieux le plus grandiose, hein, voire le plus impressionnant, voire le plus terrifiant, comme dans le cas du texte sur Noailles qu'on a lu tout à l'heure, qui n'est pas drôle, hein, qui ne veut pas l'être du tout. C'est un texte de fureur, de pure violence. Donc en ce qui concerne la princesse d'Harcourt, il y a aussi, expliquant l'animosité de Saint-Simon vis-à-vis du personnage, des questions de rang, hein, puisque Saint-Simon considère que pendant le règne de Louis XIV, et ensuite ça s'est confirmé pendant la Régence, certaines catégories sociales ont cherché à s'interposer entre les ducs et pairs et la famille royale et les princes du sang. Et la princesse d'Harcourt fait partie de ces princes étrangers qui ont tenté de grignoter, hein, des échelles dans la hiérarchie et de se placer entre les ducs et pairs et les princes de la famille royale et de la branche cousine des Condés. Et donc il a une haine acharnée, hein, pour ces gens-là, qui explique très largement la manière dont il en parle. Hein. C'est-à-dire que la haine de Saint-Simon a souvent une origine hiérarchique. Oui, mais là on est bien loin de la vérité historique. Il dit, moi j'écris pas pour le style mais pour la vérité, je fais travail d'historien. Les portraits qu'on entend, quelle vérité cherche-t-il? Je sais pas ce que vous entendez par vérité. Non, bah c'est la question que je vous pose à propos de Saint-Simon. Qu'entend-il lui par vérité? Là, mot, c'est quoi? Le mot de vérité est un mot est parmi les plus piégés qui soient. Et pourtant il l'emploie. Chacun est libre. Ah oui, il l'emploie. Il l'emploie. Donc on y met ce qu'on veut, avec c'est une ça intensité. Ben lui, en tout cas, il y met ce qu'il veut. Mais est-ce que ce texte, à tout prendre, est si complètement étranger à toute vérité que ce soit? Il est excessif, il est extravagant, il est délirant, mais il nous fait quand même accéder, à nous lecteurs du XXIe siècle, à certaines formes de vérité de ce qu'est la course au Louis XIV, où effectivement l'hygiène n'est pas forcément celle des normes contemporaines, où en pleine cour on peut disons, se lâcher sur le plan du bas corporel de manière assez assez étonnante par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, et tout ça n'est pas absolument faux. Saint-Simon raconte des anecdotes sur la princesse d'Harcourt, couverte de boules de neige par le duc et la duchesse de Bourgogne, qui sont encore des enfants à ce moment-là, réveillée à coups de boules de neige en plein lit, dans son lit, par des boules de neige aussi, hein, et criant, dit-il, comme une furie ou comme une anguille, je ne sais plus. Il y a aucune raison de douter de l'authenticité de ces anecdotes. Donc, si vous voulez, qui est excès dans l'évocation du personnage. Oui, il y a un excès encore bien plus frappant à propos du duc de Noailles, qui était sans doute un homme qui ne méritait pas d'être assimilé au démon, hein, comme il l'est dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Mais cet excès, je dirais qu'il est plus qu'une trahison de quelque vérité que ce soit, l'expression d'un rapport vrai entre un sujet et d'autres sujets. De toute façon, la question de la vérité en littérature, ouais, on n'a pas fini de la poser. Et au moins, nous accédons à une vérité, si je puis dire, qui est celle du regard de Saint-Simon sur ces deux personnages, hein, et du rapport qu'il entretient à eux. Or, ce rapport, évidemment qu'il est subjectif, mais il pose la question de la possibilité de penser une vérité qui soit complètement indépendante de l'exercice de la subjectivité, ce qui ne va pas de soi. Hein. Saint-Simon, d'ailleurs, à la fin de ses mémoires, dit, dans la conclusion dont on a lu tout à l'heure, un extrait sur le style, qu'il se pique de vérité, mais pas d'impartialité. C'est-à-dire que dans son esprit, être partial et être vrai, c'est compatible. Et donc être subjectif de manière extrême, comme il l'est dans ces deux textes, et être vrai, de son point de vue, ce qu'il appelle lui vérité, ça peut coexister avec cette impartialité. Alors, écrit-on mieux le jour ou la nuit ? Était-il vrai que Saint-Simon écrivait la nuit ? Écoutez ce que Proust, enfin, ce que le narrateur de La recherche du temps perdu en dit. C'est un extrait du Temps retrouvé, lu par André Dussolier. Moi, c'était autre chose que j'avais à écrire, de plus long, et pour plus d'une personne. Long à écrire. Le jour, tout au plus, pourrais-je essayer de dormir. Si je travaillais, ce ne serait que la nuit. Mais il me faudrait beaucoup de nuits, peut-être 100, peut-être 1000. Et je vivrais dans l'anxiété de ne pas savoir si le maître de ma destinée, moins indulgent que le sultan Shériar, le matin, quand j'interromprais mon récit, voudrait bien sursoir à mon arrêt de mort et me permettrait de reprendre la suite le prochain soir. Non pas que je prétendisse refaire, en quoi que ce fût, les 1001 nuits, pas plus que les mémoires de Saint-Simon, écrits eux aussi la nuit, pas plus qu'aucun des livres que j'avais aimés dans ma naïveté d'enfant, superstitieusement attachés à eux comme à mes amours, ne pouvant sans horreur imaginer une œuvre qui serait différente d'eux. Mais, comme Elstir Chardin, on ne peut refaire ce qu'on aime qu'en le renonçant. Sans doute mes livres eux aussi, comme mon être de chair, finiraient un jour par mourir. Mais il faut se résigner à mourir. On accepte la pensée que dans 10 ans soi-même, dans 100 ans, ces livres ne seront plus. La durée éternelle n'est pas plus promise aux œuvres qu'aux hommes. Ce serait un livre aussi long que les 1001 nuits peut-être, mais tout autre. Sans doute, quand on est amoureux d'une œuvre, on voudrait faire quelque chose de tout pareil. Mais il faut sacrifier son amour du moment, ne pas penser à son goût, mais à une vérité qui ne vous demande pas vos préférences et vous défend d'y songer. Et c'est seulement si on la suit qu'on se trouve parfois rencontrer ce qu'on a abandonné, et avoir écrit, en les oubliant, les contes arabes ou les mémoires de Saint-Simon d'une autre époque. Mais était-il encore temps pour moi? N'était-il pas trop tard? Texte bouleversant de La recherche du temps perdu. Donc, quand on est amoureux d'une œuvre, on voudrait faire quelque chose de tout pareil. Proust était amoureux de l'œuvre de Saint-Simon. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas fait la même chose, même si lui aussi justifie l'entreprise d'écriture au nom de la vérité, Marc Herson. Oui, alors je reviens sur le motif de la nuit qui a attiré votre attention, parce que il me semble que c'est un motif tout à fait caractéristique, hein, et de la lecture de Saint-Simon par Proust, et de la lecture de Saint-Simon par l'ensemble de la génération romantique et du 19e siècle et du 20e siècle débutant. En effet, en réalité, ce que dit le narrateur, hein, de « À la recherche du temps perdu » dans ces pages célèbres du temps retrouvé, c'est le résultat d'un fond de discours qui traîne tout au long du 19e siècle et qui, effectivement, fait que on se représente Saint-Simon comme un auteur nocturne, comme un auteur qui travaille la nuit. La réalité, c'est que nous n'avons pas de preuve que Saint-Simon ait effectivement écrit la nuit, et que il y a ici l'exploitation sans doute un petit peu excessive d'un passage des mémoires où Saint-Simon raconte à propos d'un texte politique, hein, un mémoire sur les renonciations. Je ne vais pas développer ça. Que beaucoup plus jeune, bien avant l'écriture des mémoires, parce qu'il n'avait pas le temps d'écrire le jour, il avait écrit ce mémoire la nuit. On s'est jeté sur ce passage pour transformer Saint-Simon pour l'éternité en un auteur nocturne et fantasmer un auteur de la nuit, une sorte de poète de la nuit. Il me semble que c'est à la fois un cliché et quelque chose qui possède une forme de vérité intéressante, parce que associé au motif de la nuit, il me semble qu'il y a une image qui est vraie. C'est celle de la solitude créatrice, hein, de Saint-Simon, qui écrit effectivement une œuvre de très longue haleine pendant une très longue période de temps, sans lectorat, sans destination immédiate, sans aucune espèce de reconnaissance sociale, puisqu'il va laisser un manuscrit hein, après sa mort à la postérité, si la postérité n'a pas la méchanceté de détruire ce manuscrit, ce qui restait tout à fait possible. Et cette solitude créatrice, c'est quelque chose qui n'est pas si fréquent dans une époque classique, qui est quand même sous le signe de la mondanité et d'une littérature qui vit de cercles mondains, d'échanges, de circulation, de savoir, de discours, de modèles conversationnels, etc. Et je dirais que Saint-Simon, là encore avec Rousseau, pour des raisons différentes, il peut apparaître comme le grand solitaire hein, de la littérature du siècle, et Sade. C'est peut-être d'ailleurs les raisons pour lesquelles je me suis particulièrement intéressé hein, à ces figures, enfin à celle de Rousseau, et puis à celle de Sade, et puis évidemment à celle de Saint-Simon. Alors, C'est une écriture en secret quand même. Oui, c'est l'idée, voilà, derrière l'idée de nuit, il y a l'idée de solitude, il y a l'idée de secret. Il y a l'idée de quelque chose qui ne doit être connu que dans un jour ultérieur, après cette longue nuit. Oui, hein, voilà, au sens métaphorique, ça fonctionne, l'image de la création. Donc, au sens métaphorique, ça fonctionne parfaitement. Mais ça fonctionne pas seulement pour cette raison-là. Je crois que ça fonctionne surtout parce que la nuit, c'est la clé, une des clés fondamentales du 19e siècle littéraire. Hein, le 19e siècle littéraire, il naît avec le romantisme allemand, autour d'une célébration de la nuit comme concentrant en elle les puissances de tout ce qui a été refoulé par les Lumières. Hein, bon, et vous avez ça aussi bien chez Novalis que chez Hölderlin, par exemple. Et au fond, l'idée centrale du romantisme allemand, qui va devenir l'idée centrale du romantisme européen et qui va continuer à être une idée fondamentale de toute la littérature, au moins jusqu'au surréalisme, qui est encore une écriture de la nuit, du rêve, de la mort, de la folie, etc. Ce sont les mêmes thèmes hein, qu'on trouve déjà chez Novalis ou chez Hölderlin, un siècle presque et demi avant. C'est autour de cette image fondamentale de la nuit que le romantisme crée sa conception de la littérature dans la rupture qu'elle représente hein, avec le classicisme et avec les deux siècles précédents. Or, Saint-Simon, apparaissant comme un écrivain romantique avant la lettre, hein, perçu comme un écrivain romantique avant la lettre, va être associé finalement de manière assez intéressante et non sans une certaine justesse au fond mythologique et pas historique hein, à la nuit pour cette raison. Je pense que la nuit saint-simonienne, c'est aussi la nuit de cette liberté créatrice, de cette langue en liberté, de cette folie hein, qui est au cœur de l'œuvre, qui fait qu'elle est démesurée, extravagante, insolite, majestueuse, tout ça à la fois. Hein. Et comme Saint-Simon le dit lui-même à propos de Villard, hein, un peu folle. Hein, Proust s'extasie sur le portrait de Villard et sur un passage qu'il juge véritablement un peu fou, où Saint-Simon dit de Villard qu'il avait une contente véritablement un peu folle. Et il donne ça comme l'illustration par excellence de l'absolue liberté du style saint-simonien que, dit-il, aucun écrivain normal ne pourrait imiter. Et il considère que le style de Saint-Simon est un style de génie parce que c'est un style qui ne souffre pas l'imitation. C'est paradoxal, puisqu'il a fait lui-même des pastiches de Saint-Simon. Mais c'est ça, en fait, au fond, on n'arrive plus à savoir ce qui relève de l'intention de Saint-Simon. Si on regarde depuis sa postérité, dont vous nous parlez, Marc Arson, on se demande s'il n'est pas connu sur un malentendu. Il dit qu'il s'en fiche du style, qu'il n'est qu'au service que de la vérité. Finalement, il est connu pour son style. La vérité pour laquelle on le retient, c'est pas tellement... Enfin, c'est aussi la vérité historique, mais c'est aussi une certaine vérité au sens d'une subjectivité qui écrit. Est-ce qu'il y a un malentendu, un écart ici entre l'intention de Saint-Simon et la réception, ou est-ce que c'est Saint-Simon lui-même qui se joue du lecteur, qui sait très bien au fond quelles sont ses qualités? Je ne pense pas que Saint-Simon se joue du lecteur. Je pense qu'il y a... Ce serait pas très grave non plus. Sincèrement, hein. Non, mais je pense qu'il y a le fond de solitude et de secret de cette œuvre lui donne un fond de sincérité évident. On voit pas pourquoi un homme manipulerait des gens qu'il n'est même pas amené à connaître. Hein. Il faut se souvenir quand même de cette position. Chaque auteur manipule un peu son lecteur. Cette position de création exceptionnellement solitaire, sans public immédiat, elle est quand même particulière et elle est très particulière à l'époque de Saint-Simon. Il faut pas minimiser cet aspect de la création saint-simonienne. Non, je pense pas que ce soit un malentendu. C'est une négociation. Une négociation entre nos représentations et les siennes. Hein. C'est-à-dire que nous avons des attentes, nous avons ce qu'on appelle en théorie littéraire un horizon d'attente par rapport à l'œuvre de Saint-Simon, qui est celui d'une œuvre littéraire. Il a d'autres représentations qui parfois nous paraissent complètement incongrues par rapport à ce que nous imaginons que son œuvre doit être. Et l'opération de lecture par un homme d'aujourd'hui ou une femme d'aujourd'hui de ce texte du XVIIIe siècle, c'est une négociation entre lui et nous. Hein, nous sommes sans arrêt dans une tentative de concilier ce que nous attendons et son projet. Il faut nier ni l'un ni l'autre, ni nos attentes, ni son projet, parce que lui, il est du XVIIIe siècle, nous du XXIe siècle, et qu'il y a une égale dignité à être d'une époque ou d'une autre. Évidemment que ces époques sont différentes et qu'elles doivent dialoguer. La lecture littéraire des textes du passé, c'est un magnifique dialogue entre nous et des gens qui ont existé il y a longtemps et qui nous parlent toujours. C'est quand même extraordinaire, non ? Je suis bien d'accord. En tout cas, vous avez donné envie, je crois, de découvrir Saint-Simon. On peut le faire de plusieurs façons. Il y a l'ouvrage que vous avez co-dirigé, Tout Saint-Simon, qu'on trouve aux éditions Robert Laffont. Il y a aussi la biographie de Saint-Simon que vous avez écrit, hein, en folio, qui avait reçu le Grand Prix de l'Académie française, c'est ça, de la meilleure biographie à l'époque. Voilà, la bibliographie sur Saint-Simon, produite par vos soins, Marc Arson, est riche. On la mettra en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Un grand merci d'être venu en parler ce matin. C'est moi qui vous remercie. Madame la marquise a dit que c'est une femme fort sage qui reçoit tous les vendredis tout le gratin du voisinage. Madame la marquise a dit, et je précise en la présence d'un général de ses amis qui a servi dans la tendance. Madame la marquise a dit, mais ne s'adressant à personne, personne ne l'aurait compris. Pourtant la surprise était bonne. Madame la marquise a dit, une voix tout à fait tranquille, en fermant les yeux à demi, un mot que je vous donne en mille. Madame la marquise a dit, et juste à la seconde étoile où monsieur l'abbé fut sorti, à quoi bon choquer le chanoine. Madame la marquise a dit, à tous ceux qui la croyaient prude, ce qui n'est entre nous soit dit, pas du tout dans ses habitudes. Madame la marquise a dit, d'une façon tout à fait comique, Tout le monde en fut si surpris que nul ne trouva la réplique. Madame la marquise a dit, et j'en ris encore quand j'y pense, un mot sur monsieur le marquis qui fit suffoquer l'assistance, mais que l'on ne veut pas redire ici. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Aujourd'hui, votre question est claire. Est-ce qu'on peut échapper au genre littéraire? Alors, elle n'était pas inintéressante, la polémique de cette rentrée littéraire, la polémique qui portait sur le genre auquel rattachait Yoga, le dernier livre d'Emmanuel Carrère. Il s'agissait, en gros, moins de savoir si celui-ci avait menti dans son livre, par exemple en réarrangeant un peu la chronologie de sa dépression, arrangement avec la vérité auquel 20 ans de débat sur l'autofiction nous ont habitués, mais il s'agissait de se demander si ces écarts n'étaient pas finalement sa meilleure chance d'obtenir enfin le prix Goncourt, théoriquement réservé au roman. Car Emmanuel Carrère, écrivain important, écrivain particulièrement scruté et lu, c'est avant tout le nom d'un abandon du roman. La chose se serait produite au tournant du siècle après son livre « L'adversaire ». Désormais, c'est lui qui l'a plusieurs fois affirmé. Il n'écrira plus de romans au sens classique du terme, mais des récits. La gloire littéraire d'Emmanuel Carrère coïncide d'ailleurs avec la mode des blogs, ces récits électroniques à la première personne. Emmanuel Carrère, c'est le premier blogueur de France. Donc vous dites que le genre auquel on peut rattacher les livres d'Emmanuel Carrère, en fait, c'est celui du blog. Oui, c'est un blogueur de papier. En tout cas, c'est comme ça, je pense qu'il est lu, adoré même par ses lecteurs qui raffolent de la façon qu'il a d'être présent dans ses récits, de se mettre en scène, de se mettre à nu. Carrère, c'est quelqu'un qu'on voit écrire, qui fait descendre ses lecteurs dans l'atelier de l'écriture. Le livre est livré avec tous ses échafaudages, mais sans rien perdre pour autant en efficacité narrative. On entend presque le « i » dans Carrère, le « i » du mot « carrière ». Emmanuel Carrère, c'est le nom de la plus passionnante carrière littéraire contemporaine, une carrière à ciel ouvert. Ainsi, ce n'est pas des romans qu'on lui demande d'écrire, le roman c'est un peu trop fermé comme genre. Un artiste, il y a quelques années, avait incrusté dans des photos des plus grandes mines à ciel ouvert du monde la quantité exacte de minerais qu'on y avait extrait sous la forme d'une spectaculaire boule de métal qui flottait au-dessus de leur gradin excavé. Ce serait cela, le roman pour Carrère, pour les lecteurs de Carrère, une grosse boule étincelante et fermée. Le chaos de la carrière, son ouverture au ciel a pu alors paraître préférable. Carrère nous entraîne ainsi, marche après marche, tout au fond de la caverne à ciel ouvert d'un work in progress. Et il est singulier qu'on aime autant dévaler avec lui dans le creux informe d'une œuvre destinée à rester toujours un peu brute. Carrère, c'est un écrivain qui n'essaie pas de faire genre. Non mais vous dites qu'écrire un roman, ce serait devenu quelque chose d'un peu poseur. C'est presque quelque chose dont Carrère a réussi à nous convaincre. Carrère qui serait devenu la mauvaise conscience des romanciers contemporains. On le reconnaît ainsi, sans l'ombre d'un doute, dans la récente tribune de la romancière Nathalie Azoulay qui s'interroge justement sur la pertinence du genre romanesque. Mais pourquoi écris-tu encore des romans? Donc pour répondre à votre question initiale, au fond, le grand genre aujourd'hui serait de n'en avoir aucun. On serait surpris, je crois, si on prenait la liste des succès littéraires de ces 20 dernières années, du faible nombre de ces livres à être techniquement goncourables, à être d'authentiques romans. Et même une œuvre aussi puissamment genrée, poésie, chronique, nouvelle et roman que celle du génial Roberto Bolaño, perd peu à peu ses contours dans l'énorme intégrale que les éditions de l'Olivier sont en train de publier, tout en, dans ses 7000 pages, vers un long texte unique, vers le long monologue d'un écrivain de génie, d'un écrivain dont le génie prémonitoire serait être passé du statut de poète à celui de romancier, puis de celui de romancier à celui de poète, car le dernier genre, le seul genre, celui qui restera toujours, porte le nom ancien de poétique. On ne lit pas des livres, on n'entre pas dans un roman, on découvre une poétique. Et je me demande si ça s'applique aussi à la radio. Merci Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Oh là, Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aident chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Clara de Giovanni, Avril Poignant-Legoff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions sur Saint-Simon. À la prise de son aujourd'hui, c'était Valérie Lavalard. À la lecture des textes, Daniel Mesguiche. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Saint-Simon, donc suite et fin de notre série sur cet espion écrivain à Versailles. On sera en compagnie demain de Patrick Dandré. Et on se demandera comment prendre le pouvoir par l'intrigue ou l'anatomiste du pouvoir, c'est l'expression de Patrick Dandré. Eh bien, venez l'écouter demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que toutes celles de cette série et puis des semaines précédentes en téléchargeant l'application Radio France, par exemple. Vous pouvez podcaster chaque émission, mais aussi en allant sur le site franceculture.fr, vous pouvez écouter l'émission en ligne, tout simplement. À demain, 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.